1 Chronique, chapitre 2. Voici les fils d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Aser. Fils de Juda, Er, Onan, Shéla. Ces trois lui naquirent de la fille de Shua, la Cananéenne. Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, qui le fit mourir. Tamar, belle-fille de Juda, lui enfanta Pérets et Zérar. Total des fils de Juda, 5. Fils de Pérets, Hetzron et Hamul. Fils de Zérar, Zimri, Etan, Héman, Kalkol et Dara. En tout, 5. Fils de Carmi, Akar, qui troubla Israël lorsqu'il commit une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Fils d'Étan, Azaria. Fils qui naquirent à Hetzron, Jérakmil, Ram et Kelubaï. Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nakshon, prince des fils de Juda. Nakshon engendra Salma, Salma engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra Eliab, son premier-né, Abinadab le second, Shimea le troisième, Netanil le quatrième, Radaï le cinquième, Otsem le sixième, David le septième. Leurs sœurs étaient Tseruja et Abigaïl. Fils de Tseruja, Abishaï, Joab et Azaël, 3. Abigaïl enfanta Amasa. Le père d'Amasa fut Jéter, l'Ismaélite. Caleb, fils de Hetzron, eut des enfants d'Azuba, sa femme, et de Jériot. Voici les fils qu'il eut d'Azuba. Jécher, Shobab et Ardon. Azuba mourut, et Caleb prit Éphrath, qui lui enfanta Hur. Hur engendra Uri, et Uri engendra Betsalil. Ensuite, Hetzron alla vers la fille de Makir, père de Galaad, et il avait 60 ans lorsqu'il la prit. Elle lui enfanta Ségub. Ségub engendra Jaïr, qui eut 23 villes dans le pays de Galaad. Les Guéchuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jaïr avec Kénat et les villes de son ressort, 60 villes. Tout cela était fils de Makir, père de Galaad. Après la mort de Hetzron à Caleb et Frata, Abija, femme de Hetzron, lui enfanta Ashur, père de Tekoa. Les fils de Jérakmil, premier-né de Hetzron, furent Ram, le premier-né, Buna, Oren et Otsem, nés d'Akija. Jérakmil eut une autre femme, nommée Atara, qui fut mère d'Onam. Les fils de Ram, premier-né de Jérakmil, furent Mahatz, Jamin et Eker. Les fils d'Onam furent Shamaï et Jada, fils de Shamaï, Nadab et Abishur. Le nom de la femme d'Abishur était Abikaïl, et elle lui enfanta Ashban et Molid. Fils de Nadab, Séled et Apaïm. Séled mourut sans fils. Fils d'Apaïm, Jishéi. Fils de Jishéi, Shéchan. Fils de Shéchan, Aklaï. Fils de Jada, frère de Shamaï, Jéter et Jonathan. Jéter mourut sans fils. Fils de Jonathan, Pélet et Zara. Ce sont là les fils de Jérakmil. Shéchan n'eut point de fils, mais il eut des filles. Shéchan avait un esclave égyptien nommé Jarcha. Et Shéchan donna sa fille pour femme à Jarcha, son esclave, à qui elle enfanta Attaï. Attaï engendra Nathan. Nathan engendra Zabad. Zabad engendra Éphlal. Éphlal engendra Obed. Obed engendra Jéhu. Jéhu engendra Azaria. Azaria engendra Haletz. Haletz engendra Elaza. Elaza engendra Sismaï. Sismaï engendra Shalem. Shalem engendra Jekamja. Jekamja engendra Elishama. Fils de Caleb, frère de Jérakmil, Mécha, son premier-né, qui fut père de Tziph, et les fils de Marécha, père d'Hébron. Fils d'Hébron, Coré, Tapuar, Rekem et Shema. Shema engendra Rakam, père de Jorkiam. Rekem engendra Shamaï. Fils de Shamaï, Mahon, et Mahon, père de Beth-Tsur. Épha, concubine de Caleb, enfanta Aran, Motsa et Gazez. Haran engendra Gazez, fils de Jadaï, Régem, Jotam, Geshan, Pelet, Epha et Shaph. Maaka, concubine de Caleb, enfanta Shéber et Tirshana. Elle enfanta encore Shaph, père de Madmana, et Sheva, père de Macbéna et père de Gibéa. La fille de Caleb était Aksa. Ceux-ci furent fils de Caleb, Shobal, fils de Hur, premier-né d'Ephrata, et père de Kirjat-Jéharim. Salma, père de Bethléem, Aref, père de Beth-Gader. Les fils de Shobal, père de Kirjat-Jéharim, furent Haroé, Hatsiaménuot. Les familles de Kirjat-Jéharim furent les Jétriens, les Putiens, les Shumassiens et les Mishraïens. De ces familles sont sortis les Tsoréassiens et les Eshtaoliens. Fils de Salma, Bethléem et les Netophassiens, Atroth Bet-Joab, Hatsi Hamanashti, les Tsoréiens, et les familles des scribes demeurant à Jaébetz, les Tiréassiens, les Chiméassiens et les Sukassiens. Ce sont les Kéniens, issus de Hamath, père de la maison de Rekab.